Lebrun, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. Le 8-9 commence maintenant avec Sarah de Padua. Bonjour à tous, bon vendredi. Qui a vu Benjamin Maréchal à la station service? Il est à la station service. Non, pas du tout, il est dans son bureau, je viens de le croiser, il ne sait pas quoi faire, il attend. Il sera là bien évidemment pour C'est vous qui le dites, c'est parce qu'hier il a enregistré son pilote. Ah, c'est vous. Le pilote Michel Vaillant. Vous croyez qu'il a fait, oui, il a fait la compétition lui aussi? Il n'y a rien de plus normal de tourner un pilote dans une pompe à essence. Sarah Viss, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire je vais faire l'essence comme une bonne Belge, voyez? J'ai jamais entendu cette expression. Ah non, on dit ça nous en Belgique. Je vais faire l'essence. Pas vite ça chez vous. Non, non. On dit parfois je vais faire le plein et puis les gens disent non, non, c'est pas la peine, c'est déjà plein comme ça. Ouais. Allez, Caroline Gillet pour la météo. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Caroline, vous avez déjà dit je vais faire l'essence, non? Mais non. Vous quoi, ça, enfin. Je suis désolée, mais non. C'est raté. Mais on va faire le plein, mais de soleil. Avec, c'est vrai, beaucoup de soleil aujourd'hui. Déjà ce matin, ça va rester le cas cet après-midi. Moins de vent qu'hier, quelques degrés de moins aussi pour aujourd'hui. Mais tout de même, 20 à 21 degrés en Ardennes, jusqu'à 25 degrés localement à l'ouest du pays. Ce soir et cette nuit, toujours un ciel étoilé, quelques cirrus à l'ouest. Des minima entre 11 et 15 degrés. Puis demain, encore une belle journée au programme, même si on aura un peu plus de nuages à l'ouest du pays. Et il fera chaud entre 23 et 28 degrés. Vous écoutez Vivacité, les 8h. À la une de l'actualité ce matin, une très longue nuit pour des naufragés de la montagne. Une trentaine de personnes ont passé la nuit bloquées dans des télécabines après un incident technique hier après-midi dans les Alpes. On a senti une secousse anormale dans la dernière ligne droite et après complètement à l'arrêt. On attend, on est isolé sur, sur une surface où on a 30 cm et, voilà, et on ne bouge pas, on attend. Nous allons sur place dans une minute. La France a peut-être échappé à un nouvel attentat. Trois femmes arrêtées hier soir préparaient de nouvelles attaques violentes et imminentes, selon le ministre français de l'Intérieur. Des entrepreneurs Carolo prêts à embaucher des travailleurs de Caterpillar. Paul Magnette les rencontre ce matin. Le mémorial Van Damme ce soir à Bruxelles. 40 athlètes médaillés aux JO seront présents au stade Roi-Baudouin. Et puis la deuxième édition du Toots Jazz Festival à partir de ce soir à la Hulpe. Des hommages seront bien sûr rendus à Toots Thielemans disparu cet été. Une nuit vertigineuse pour les passagers de télécabine dans les Alpes. Ils sont 33, dont un enfant de 10 ans, à avoir passé la nuit à plusieurs centaines de mètres au-dessus des glaciers du Mont Blanc après un incident technique. Apparemment, un croisement de câbles à cause du vent. Les passagers sont coincés dans des télécabines de 4 places sur une ligne qui permet de relier la France à l'Italie. Reportage à Chamonix de Richard Vivion. Cette opération de secours est hors norme, a tenu à préciser le préfet de la Haute-Savoie, Georges-François Leclerc. 4 hélicoptères ont été engagés. Une des plus grandes opérations de secours qui a été conduite dans le massif du Mont-Blanc ces dernières années. J'attire votre attention sur le fait que les télécabines les plus hautes étaient à 400 mètres de haut dans un environnement glaciaire. Et sur 5 km de long, la longueur qu'il y a entre l'aiguille du Midi et la pointe Heilbronner. Ce matin, 33 personnes seraient donc encore bloquées dans les télécabines. Un environnement exigu. Mathieu de Chavannes est le président de la compagnie du Mont-Blanc, l'exploitant de l'équipement. C'est des cabines hermétiques, assez confortables, hein, équipées d'une trousse de secours avec des barres énergétiques, bouteilles d'eau, couverture de survie. Il y a eu 2 personnes qui manifestaient une anxiété assez importante. Les autres ont plutôt bien réagi. À noter que 5 secouristes ont pu être déposés hier soir dans les télécabines pour passer la nuit avec les personnes bloquées à plus de 3600 mètres d'altitude. Richard Vivion de France Info à Chamonix. Hier, avant la tombée de la nuit, 77 autres personnes ont pu être évacuées, certaines élitreuillées, d'autres les plus proches du sol, descendues en rappel par les secouristes. Parmi ceux qui ont pu être tirés d'affaire, Frédéric, élitreuillé hier soir. On a senti une secousse anormale dans la dernière, traversée, en fait, à l'endroit où on voyait l'aiguille, la dernière ligne droite, et après complètement à l'arrêt pendant presque 3 heures. C'est 3 heures très très très longues. Il faisait très chaud, très long, ça a été très très très dur, très très dur. Surtout dans les dernières heures, quoi. Enfin la dernière heure était très très longue. Ah, moi j'ai dû fermer les yeux pendant un bon moment pour essayer de penser à autre chose, quoi. Surtout penser à autre chose. Et on attend, on est isolé sur une surface où on a 30 cm et on ne bouge pas, on attend. Bon, voilà, après, dès l'instant qu'on est, qu'on voit le PGHM qui est sur place, on est déjà rassuré, mais ça se passe super bien et il y a vraiment du personnel extrêmement compétent. Et on apprend à l'instant que les télécabines ont pu redémarrer ce matin. Il ne sera donc pas nécessaire d'élitreuiller les dernières personnes qui étaient coincées à l'intérieur. La France a sans doute échappé à une nouvelle attaque terroriste. 3 personnes ont été arrêtées hier soir à Buissy-Saint-Antoine. C'est un petit village au sud de Paris. 3 femmes en lien direct avec cette voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvées à Paris dimanche matin. On y vient dans un instant. Mais d'abord, écoutez Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, ne laisse aucun doute sur la détermination de ces 3 femmes. Ces jeunes femmes, âgées de 39, 23 et 19 ans, radicalisées, fanatisées, préparaient vraisemblablement de nouvelles actions violentes et de surcroît imminentes. Bernard Cazeneuve, Lionel Denebourg, que redoutaient les services de renseignement exactement ? Un attentat. Le ministre de l'Intérieur parle lui-même d'une course contre la montre. Hier, après plusieurs jours de traque, la police repère la planque des 3 femmes et capte plusieurs conversations inquiétantes. La crainte, une attaque kamikaze. Toutes les gares d'une ligne RER vers Paris sont d'ailleurs placées en état d'alerte. Déterminée, elle l'était. Clairement, au moment de son arrestation, la plus jeune des femmes a réussi à planter un couteau dans l'épaule d'un policier. Et quel est le lien entre ces femmes et la voiture remplie de bonbonnes de gaz qui a été retrouvée dimanche près de la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Eh bien, la plus jeune, 19 ans, n'est autre que la fille du propriétaire de la Peugeot 607. Le père, lui, est mis hors de cause, mais sa fille est bien connue des services de la Sûreté de l'État, fichée S, comme on dit en France. À plusieurs reprises, elle a tenté de rejoindre la Syrie. Ce qui est nouveau dans ce dossier, c'est que ce sont des femmes qui sont au cœur de la cellule terroriste. Merci Lionel Denebourg. En Belgique, bientôt 6 mois depuis les attentats du 22 mars à Bruxelles et les rescapés ne sont toujours pas indemnisés. Certains blessés graves ont dû complètement réaménager leur quotidien. Une aide d'urgence a bien été octroyée par le gouvernement via le fonds d'aide aux victimes. Mais du côté des assurances, les indemnisations se font attendre. Les victimes se sentent bien seules, comme Walter Benjamin, survivant de l'attaque de Zaventem et amputé d'une jambe. La seule aide financière que j'ai reçue, c'est du fonds des victimes, 15 000 euros. Mais c'est strictement rien quand on sait que y a les loyers à couvrir, il y a les charges courantes, prêts, crédits, mais il y a tout le reste. Si je veux bouger aujourd'hui, que je dois sortir, je dois à chaque fois prendre un taxi. Je dois à chaque fois l'avancer de ma poche. Je veux dire, je reçois une allocation de la mutuelle. J'ai pas à le cacher, je vis avec 991 euros, c'est impossible. Heureusement que j'ai de la famille, des amis qui m'aident. Déjà qu'il est difficile de se reconstruire, donc on veut pas vous laisser vous en sortir. Je suis complètement dégoûtée. J'ai plus envie de vivre ici. Un survivant de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles, rencontré par Sophie Merguem. Il est 8h07, une nouvelle rencontre pour se pencher sur le sort de Caterpillar ce matin. Le ministre-président de la Wallonie, Paul Magnette, va s'entretenir avec les entrepreneurs Carolo qui se sont manifestés pour engager des travailleurs de Caterpillar qui seraient licenciés. Des perspectives intéressantes pour le personnel, mais qui sont peut-être un peu prématurées selon Paul Magnette. Il y a eu des dizaines et des dizaines de patrons, de petites sociétés, de plus grandes sociétés qui ont spontanément pris contact avec nous ou avec les organisations syndicales ou avec les fédérations professionnelles en disant « on veut engager des travailleurs de Caterpillar ». Les travailleurs de Caterpillar ont une excellente réputation. Ce sont des hommes et des femmes très qualifiés qui ont une productivité remarquable. Donc beaucoup de gens souhaitent les engager. Je veux leur dire qu'on les remercie pour cet élan de solidarité. C'est très important qu'on ait ces moments de solidarité dans des difficultés sociales comme celles qu'on traverse. Mais qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Aujourd'hui, on est encore dans la phase où on essaye de contredire les raisonnements de Caterpillar et de sauver tout ce qui peut être sauvé. Maintenant, si demain les décisions devaient être confirmées, alors on mettra en place des cellules de reconversion. Et évidemment, on se réjouit de l'idée qu'un très très grand nombre de travailleurs puissent retrouver un emploi. Ils ont de grandes qualifications et il faut des emplois qui leur permettent de valoriser leur savoir-faire et leurs compétences. Paul Magnette au micro de Rudy Herman. S'il n'y a pas que le personnel de Caterpillar qui s'inquiète pour son avenir, il y a aussi tous ceux qui travaillent pour des sociétés sous-traitantes. Par exemple, Carwal à Sombref, en province de Namur, où sont fabriquées des cabines pour les engins de chantier. Un conseil d'entreprise extraordinaire a lieu ce matin à 9h là-bas. Les 220 membres du personnel craignent de très mauvaises nouvelles puisque l'usine travaille à 90% pour Caterpillar. Une fermeture pure et simple de l'entreprise est même envisagée. C'est jour de fête aujourd'hui en Corée du Nord. On va d'abord passer à un sujet sur le Dalaï Lama. Sur la méditation. Oui, sur la méditation, le Dalaï Lama, qui est en Belgique hein, pour le moment. La plus haute autorité spirituelle du bouddhisme est en visite pour 3 jours, notamment pour assister à la conférence internationale des groupes de soutien au Tibet. La Belgique compte environ 100 000 bouddhistes et 65 temples. Baptiste Tupin s'est rendu ce matin à celui de Saint-Gilles à Bruxelles au moment du rituel matinal. De l'extérieur, personne ne peut se douter que cette maison bruxelloise abrite un temple bouddhiste. Ce matin, 7h, comme tous les jours, dans le temple coloré, quelques personnes sont venues célébrer le rituel matinal. Le principe du bodhisattva, c'est-à-dire de transformer l'égocentrisme habituel qu'on connaît tous en altruisme. Carlo Leux, qui est aussi échevin à Saint-Gilles, a célébré ce rituel ce matin. Il connaît bien la communauté bouddhiste belge. En Belgique, les bouddhistes, ce sont surtout des Belges. Il y a aussi les communautés vietnamiennes, tibétaines, etc. Mais c'est surtout des Belges. Chacun trouve une autre entrée dans le bouddhisme. Le bouddhisme, on dit qu'il est vaste. Comme l'enseignement du bouddhisme est vaste comme l'océan. Jean-Christophe Lamy vient ici régulièrement. Il y a des méditations tous les soirs, entre 6h30 et 7h30 par exemple. Que vous apportent ces méditations, personnellement ? Écoutez, la méditation, je pense que la première chose, je trouve que c'est l'image, c'est la stabilité. En Belgique, le bouddhisme n'est pas un culte reconnu par l'État. L'Union bouddhique belge a formulé une demande en 2006 pour être reconnue comme philosophie non confessionnelle. Reportage de Baptiste Tupin au temple bouddhique de Saint-Gilles à Bruxelles. C'est jour de fête effectivement en Corée du Nord. Aujourd'hui, le pays célèbre le 68e anniversaire de sa fondation et en guise de feu d'artifice, un nouvel essai nucléaire. Un essai qui serait plus puissant que les 4 précédents menés par Pyongyang. Il a provoqué un tremblement de terre d'environ 5 degrés sur l'échelle de Richter. Le 8-9 Sport, on y est, le 40e Mémorial Van Damme, c'est ce soir au stade Roi Baudouin. Alors, pas d'Usain Bolt cette année, ni de Justin Gatlin, mais néanmoins la présence de 40 médaillés olympiques, Pascal Chimé. Oui, et donc de grands moments sportifs, avec notamment 2 tentatives de record du monde annoncées sur 3000 mètres steeple masculin et sur le 5000 féminin, avec aussi côté belge les regards qui seront tournés vers Nafi Thiam à la hauteur et les frères Borlée opposés sur 400 mètres pour leur dernière course de la saison. Mais la soirée sera surtout marquée par le défilé des membres du Team Belgium présent à Rio, mais aussi par la remise officielle des médailles d'or du relais 4x100 mètres féminin de Pékin. 8 ans plus tard et suite au contrôle positif d'une relayeuse russe, Elodie Wedraugo, Anna Marienne, Olivia Borlée et Kim Gevaert recevront leurs médailles d'or des JO de Pékin il y a 8 ans. Émotion donc en perspective quand la Brabançonne résonnera dans le stade. Écoutez Wilfried Meert, l'organisateur du Van Damme. Je me suis permis à contacter le comité olympique belge et je leur ai dit, mes amis, si ça est confirmé que la Belgique devient champion olympique du 4x100, on va quand même pas remettre cette médaille dans une petite conférence de presse en présence d'une vingtaine de personnes. Donnons à ces filles le bain de foule devant 50 000 spectateurs au stade Roi Baudouin. Ça fera un peu comme aux Jeux olympiques. Là, le stade est encore plus grand. Et à Pékin, il y avait 80 000 places dans le stade. Ici, on a 50 000 ou presque 50 000. Mais au moins, c'est des Belges, c'est des compatriotes, c'est des membres de leur famille, c'est des supporters. Donc je pense que ça leur fera grandement plaisir. Voilà, Wilfried Meert, l'organisateur du Van Damme, interrogé par Arnaud Montero. En tennis, la finale dame de l'US Open opposera Angélique Kerber à Karolína Plíšková. La Tchèque a éliminé Serena Williams en deux manches cette nuit. L'Allemande, elle, a battu la Danoise Wozniacki. Elle profite de la défaite de Williams pour lui ravir sa place de numéro 1 mondial. Serena Williams occupait cette position depuis 3 ans et demi. Aux Jeux Paralympiques de Rio, entrée en matière réussie pour les pongistes belges. Florian Vanacker et Marc Ledoux, nos deux athlètes, ont remporté leur première rencontre de poule. En foot, le début de la 6e journée de championnat. Ce soir, le club de Bruges se déplace à Waasland-Beveren. Coup d'envoi à 20h30. L'esprit de Toots Thielemans va planer sur la hulpe dans le Brabant wallon. Et oui, puisque le Toots Jazz Festival commence ce soir. Le célèbre joueur d'harmonica décédé le mois dernier était le parrain de l'événement depuis l'année dernière. La mémoire de Toots sera évidemment célébrée lors de cette 2e édition, notamment par le guitariste Philippe Catherine qui a bien connu Toots Thielemans. On va jouer des compositions de chacun de nous. On improvise les arrangements sur scène. Alors vous avez joué avec Toots Thielemans, un gros souvenir avec lui. Ben, la dernière fois que j'ai joué avec lui, c'était justement à ce festival, il y a 2 ans. Et je jouais là avec mon quartet, avec Nicolas Andrioli, Philippe Hartz et Hans van Oosterhout. Et Toots est venu se joindre à nous. Et c'était vraiment très chouette. Surtout que Toots m'a dit de surtout me concentrer sur cette musique-là. Alors ici, justement, dans ce festival Toots, festival 2e édition, vous allez jouer en hommage à Toots ? Ah, je pense à jouer 1 ou 2 compositions de Toots, tout simplement. Et je vais essayer de jouer convenablement, surtout. Vous avez l'impression que vous ne jouez pas bien ? Oui, ça m'arrive très souvent. Bon ? Oui, malheureusement, oui. Mais pas le public, c'est vous qui le pensez. C'est la musique qui l'entend. Et pourtant, vous êtes considéré comme le plus grand guitariste. Oui, mais ça, c'est des bruits qui courent. Il y en a qui jouent beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de vélocité, de possibilités. Mais disons que je suis peut-être un chanteur à la guitare. Philippe Catherine, rencontré par Nicole Debar. Philippe Catherine en concert avec le violoniste Didier Lockwood et l'accordéoniste Richard Galliano, demain au Toots Jazz Festival. Parmi les autres artistes présents à la hulpe durant les 3 jours, Manu Katché et Michel Jonas. Toots Thielemans, il nous manque déjà, non ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il revienne ? Vous avez une formule en fait, magique. C'est pas possible, ça. Non. On vient de mourir, en fait. J'ai pas suivi les infos. Écoutez sa musique. Sarah Bisse revient de vacances. Qui peut lui annoncer la mauvaise nouvelle ? J'étais aux toilettes pendant que vous parliez. Le roi Baudouin est mort. Enchaînons. Je veux Benjamin Maréchal. C'est Jarry qui sera notre invité tout à l'heure, l'humoriste atypique, et il est complètement sur scène, il se dévoile tout, on voit son bide, il parle avec son bide, c'est comme une bouche, etc. Il sera notre invité tout à l'heure, on va parler de sa tournée chez nous, ce sera aux alentours de 8h40. 8h15, voici le cactus de ce vendredi. Le cactus avec vous, Jérôme de Warzé, et cette visite du Dalai Lama à Bruxelles. Oui, bonjour à toutes et tous. Une vraie dag, Dalai Lama le mâle. Dalai Lama est à Bruxelles depuis hier. Je crois que c'est une information sur laquelle il ne faut pas cracher. Alors, qui est le Dalai Lama ? C'est un sage bouddhiste tibétain considéré comme la plus haute émanation du bodhisattva de la compassion. Ça en jette, hein. On m'avait assuré que c'était spirituel. Une information qui ne manquera pas d'éveiller les sens de notre ministre de l'Enseignement, Marie-Martine Schins, connaît bien. Je rêve d'envoyer un SMS à MMS. D'ailleurs, 6 Belges sur 10 sont favorables à l'apprentissage du bouddhisme à l'école. Bon, ben, pourquoi pas, hein, on finance déjà des ânes au gouvernement et des marmottes dans certaines administrations. On peut bien financer des lamas dans l'enseignement, maintenant. Le Dalai Lama prône la paix dans le monde, voyage beaucoup, mais ne sait pas conduire une voiture. C'est Miss Belgique, ce truc. Le Dalai Lama a été accueilli par Jan Peumans du Parlement flamand, chez les Flamands. Donc, bon, allez, bon, nous, on a les pandas toute l'année, ils peuvent bien profiter du lama un week-end. Pourquoi chez les Flamands, me direz-vous ? Tout simplement parce qu'il a insisté sur le fait que la paix devait venir de l'intérieur. Alors, Yann Jambon est arrivé, mais sa haute luminescence a provoqué l'ire de la communauté flamande, car lui exigeait plutôt de parler à Michel Dardenne, qu'il considérait à juste titre comme son père spiritueux. Le Dalai Lama est à Bruxelles pour soutenir la cause tibétaine, flanquée de l'acteur Richard Gere. Bon, c'est très bien, mais bon, à quand une manifestation dans la capitale tibétaine qui soutiendrait la cause des populations francophones des communes à faciliter avec Benoît Poulvord en soutien de Damien Thierry. Vous voyez le Dalai Linkebeek là, non mais les Tibétains n'ont pas le monopole de la souffrance et de la vie sous tyrannie. Je ne vais pas aller à l'encontre de la doctrine de non-violence du Dalai Lama, mais y a-t-il un Tibétain qui se fout vraiment des problèmes administratifs des habitants de Haute-Saint-Genèse? Moi, je ne crois pas. Il y a un moment, il faut que ça aille dans les deux sens. C'est vrai. Notre Premier ministre, donc pas Bardo Weaver, hein, l'autre, le substitut à grosses lunettes, est très attentif aux conseils que pourrait lui prodiguer son bon ami, le Dalai Lama. Car Charles Michel est depuis trois jours pris d'une rage et d'une colère qu'il ne maîtrise pas. Toujours scandalisé par le comportement des PDG de Caterpillar, ivre de fureur, le sang bouillonnant dans ses veines bleues, Charles Michel a tapé sur la table en éructant violemment la phrase suivante. Ne faudrait-il pas entamer, peut-être éventuellement, une légère petite action en justice pour malmener ces galapias? À ces mots épouvantés, craignant une chute en bourse et le suicide de ses actionnaires, Caterpillar a immédiatement décidé de réengager tous les travailleurs à Gosselies, de rouvrir tous les sites et de délocaliser toutes ses usines pour les rapatrier aux confins du sillon sans brimeuse. Ça, quand Charles Michel s'énerve, ça c'est l'influence du Dalai Maka. Toujours dans le dossier Caterpillar, Charles Michel a demandé à rencontrer François Hollande. Bon, pourquoi pas autant grouper tous les problèmes et les moments pénibles en un seul. Mais confier la résolution d'un problème comme celui-là à une paire de bras cassés comme ceux-là, c'est sûr que la sidérurgie ne rivalisera pas bientôt avec l'informatique. Quand vous saurez que François Hollande a expliqué à Charles Michel qu'il était normal et logique que la production passe de Gosselies à Grenoble parce que c'est la pleine période de migration des grues, au niveau des illuminations, ils ne vont pas se réincarner en luciole. Voilà, bon séjour au Dalai Lama qui n'a aucune chance à Miss Belgique. Je l'ai entendu bragouiner flamand, ça j'aime autant vous dire. Au casino d'Ostende, il ne s'en sort pas vivant. Alors une dernière petite news en marge du Mémorial Van Damme. Ont eu lieu hier quelques épreuves sportives sur la Grand Place de Bruxelles. Sprint, relais, lancer du poids. Poids qui n'était autre qu'un boulet d'époque sorti en droite ligne des tiroirs de l'hôtel de ville. Alain Courtois, qui s'est essayé au lancer du boulet, s'est rendu coupable d'une méprise qui a enchanté tout le monde. Au moment où le starter lui permit d'effectuer son mouvement, il a lancé Yvan Mayer. Le cactus de Jérôme de Warzé, à revoir, on peut applaudir, hein, Jérôme. À revoir sur la page Facebook, le 8-9. C'est bien, Benjamin Maréchal ne fait pas ça. N'applaudis pas, vous voyez, j'ai gagné du galon. C'est bien ça. Bravo Jérôme, ouais. Et ça ne serait pas comme ça tous les jours de la semaine? Non, il va à la station-service que le jeudi soir. Il fait le plat que le jeudi, parce qu'il a une bonne amie le mardi aussi. D'ailleurs, il a pris avec lui le poète-poète pour votre chanson, Jean-Luc Fou. Ah oui, bah écoute, on va le récupérer. Vous avez dû placer Alpaga pour François Descossines, oui. Toxoplasme pour Grégory, oui. On avait Élastique pour Guillaume et Séraphin pour Damien. Votre œuvre, comment s'appelle-t-elle? Alors c'est une œuvre, si tu veux, c'était un peu pour... On ne parle plus assez des nouveaux animaux de compagnie. Peut-être parce que, depuis lors, ils ne sont plus nouveaux. Donc c'est un morceau qui parle des animaux de compagnie, les petits animaux qu'on aime tant. Ça s'appelle Jean-Robert. Et c'est une chanson pour les enfants. C'est bien qu'ils soient à l'école quand on même. On ira à les journées du patrimoine wallon. Alors je vous entends dire, oh, le thème c'est patrimoine religieux, philosophique. Vous allez voir, il y a des choses insolites. Christophe Grandjean, Pascal Michel, Jérôme de Warzé, c'est ça le 8-9, il est 8h20. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. On va sur la route avec Serge, notre motard Europe Assistance. Serge, rebonjour, comment ça se passe? Rebonjour, écoutez, là pour l'instant je suis en train de me promener boulevard de la Wolue dans un des deux chantiers, le chantier où on travaille. Vous savez, il y a deux sortes de chantiers, un chantier où on travaille, un chantier où on ne travaille pas. Ah ben, celui où on travaille, ça passe vraiment très bien, côté shopping, avenue Tervuren, par contre de l'autre côté, chaussée de Louvain, là ça traîne toujours, on passe sur une bande et quelques soucis de circulation. Alors sur le ring, rien spécial à signaler, des fils entre Grand Bigard et Jette et entre Waterloo et Tervuren, les fils habituels sur la plupart des autoroutes et quelques soucis de circulation du côté de l'ULB également à cause de ce chantier qui se trouve avenue Franklin Roosevelt. Merci beaucoup Serge, restez prudent sur la moto. On vous rappellera tout à l'heure après le journal bruxellois de 8h30 aux alentours de 8h36. A tout à l'heure Serge. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Chou, le plombier est là. C'est le menuisier? Le carreleur est aussi arrivé. Eh ben voilà déjà le peintre. Avec Dagmar Buys, vous avez tous les spécialistes de la salle de bain à votre disposition, sans souci. L'équipe de Dagmar Buys rénove votre salle de bain de A à Z dans les plus brefs délais, selon vos goûts et votre budget. Dagmar Buys, inspiration, rénovation. Contactez-nous sur dagmarbuys.be. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Pendant les foires au vin, que recherchez-vous? Des bons prix ou des bons vins? Chez Intermarché, on vous propose les deux, comme ce blé Côte de Bordeaux Château Les Charmis Vieille Vigne 2015 en 4 plus 2 gratis, soit seulement 3,99€ la bouteille. À découvrir absolument, parole d'expert. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Rendez-vous samedi après-midi, place Saint-Lambert à Liège pour applaudir Suarez, Alice in the Roof, accompagné par l'orchestre et les chœurs de l'Opéra Royal de Wallonie dans le cadre de l'opération Debout Citoyen. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 10 septembre à Liège. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Le 8-9. 8h24 et Sarah Vie, c'est de retour et il faut la remettre à jour. Oh là là, Sarah, mais vous êtes partie combien de temps? Je suis encore en vacances dans ma tête. On lui raconte des choses, elle comprend tout de travers. Pas vrai, les garçons? C'est vrai. C'est les Sarah, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Il y a Bruno qui a chopé le poète-poète dans la poche de Benjamin. Du coup, on est prêt pour votre chanson, Jean-Louis. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 8h50. Mais d'abord, le Zap Télé avec vous, Pascal Michel, avec Ruquier, qui n'est pas tout à fait d'accord avec Twitter. Oui, c'est ça. Ruquier qui fait encore parler de lui dans la presse. Faut dire qu'il a une grosse actualité. Il y a une nouvelle émission cinéma qui va débarquer le mardi sur France 2. Il y a On n'est pas couché qui a repris il y a 15 jours avec sa nouvelle petite protégée, la journaliste Vanessa Burgraff. Et alors, tous les trois, Yann Moix, Vanessa Burgraff et Laurent Ruquier, ont donné une interview à Paris Match. Et alors, à un moment, le journaliste lui a posé cette question à Vanessa. Il a dit: Vanessa, vous avez été fortement critiquée sur Twitter après votre première émission. Et là, Ruquier est rentré dans les brancards. Il a dit: Alors là, je vous interromps tout de suite. Vous n'allez pas faire partie des cons qui reprennent Twitter, cette fachosphère, c'est tellement débile, vous n'êtes pas assez grand pour juger vous-même. Donc Ruquier, qu'un petit truc sur Twitter. Alors c'est vrai que comme ça on peut se dire, le journaliste c'est quand même un journaliste télé à la base, il pourrait clairement avoir un avis un peu lui-même sur le programme et la prestation de la candidate. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'étais voir justement le compte Twitter de Laurent Ruquier. Oui, pour parce que j'avoue que tu l'utilises quand même quand ça l'arrange, son compte Twitter. Ah ben, oui. Ça c'est le principe aussi de ces animateurs télé, ces personnes médiatiques, c'est d'utiliser Twitter comme on le veut. Par contre c'est vrai que ces derniers temps, on voit pas mal de people quitter Twitter justement parce que ça devient un peu trop injurieux, etc. On se lâche un peu trop. Et alors, sur son compte Twitter, Laurent Ruquier, il a retweeté, donc c'est-à-dire qu'il a repartagé des avis de personnes qui ne disaient des commentaires que dans son sens. Donc par exemple, il a dit, il retweete Hervé qui dit de l'anonymat et l'impunité font que les fachos, ils font plus de bruit qu'ailleurs sur Twitter, etc. Donc c'est un vrai plaisir d'aller voir, après cette petite polémique, les tweet de Laurent Ruquier, qui a quand même 647 000 abonnés. Donc, il joue quand même assez le jeu, finalement, de ce réseau social qui critique. Mais c'est vrai que, par exemple, si vous surfez régulièrement sur Twitter ou bien sur les réseaux sociaux, c'est vrai que parfois, les commentaires, ils sont assez acerbes et ça peut faire du mal, parfois. Fachosphère, Christophe Grandin. Il y a de vrais dérapages sur Twitter qui sont pas contrôlés, malheureusement. Vous êtes sur Twitter, Jérôme de Warzé? Alors, oui, alors je suis sur Twitter et, en fait, je ne tweete jamais. Pour une raison, simple, je ne sais même pas comment il faut faire. Mais moi, je comprends rien non plus. Je suis sur Facebook, moi. Jean-Luc, vous pouvez lui expliquer. Écoute, oui, évidemment. Et moi, je suis sur Twitter. J'ai tweeté une fois. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais envoyé. Alors, je me suis dit, non, c'est simple pour m'envoyer. Tu t'es retweeté. Un auto-retweet. Ah oui, tu t'es followé. Je suis auto-followé. Pas forwardé. Non, je ne me suis pas forwardé. Vous savez quoi ? Via Twitter, hop, j'envoie la pub. À tout de suite. Il est 8h26. À Bruxelles, vous entendez parler de nombreuses langues. Hi. Guten Tag. Hola. Bonjour. Dans les situations les plus diverses. Hey. Oh yeah. Alors. Hey. Au Bruxelles Education Center, trouvez le cours de langue qui vous convient le mieux. Super. Super. Super. Super. Bruxelles Education Center, des langues sans frontières. Ce samedi, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. La 2, en télé. L'ambiance des JO continue. Retrouvez Nafissa Toutiam, Philippe Milanov, les Belgian Tornados et tous les athlètes de la Team Belgium sur la piste ou en coulisses. Savourez la fierté d'être belge lors d'un événement exceptionnel. Le Mémorial Van Damme, vendredi soir sur la 2. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Waterloo, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 14 à 17h, à l'angle de la chaussée de Bruxelles et de la rue du Ménil. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Shopping. Dès 17h, je vais décompresser comme jamais. Le Woluwe Shopping m'offre le rendez-vous le plus zen de la semaine, les Happy Fridays. En plus, le parking est gratuit de 17 à 20h. Happy Fridays, les inédits du vendredi. Woluwe Shopping. Un problème, Camille ? Non, c'est juste les joies de la rentrée. Les enfants laissent toujours tout traîner. Camille, vous avez besoin de rangements sur mesure Camber pour démarrer la rentrée bien rangée. Vestiaires, bureaux, placards sur mesure, les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour vous conseiller. En plus, chez Camber en ce moment, c'est l'action Back to School. Camber, more space for your place. Christophe Grandjean, vous nous rappelez l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Les télécabines ont pu redémarrer dans le massif du Mont-Blanc. Il n'est plus nécessaire d'élitreuiller les personnes qui ont passé toute la nuit bloquées à plusieurs centaines de mètres au-dessus des glaciers. Les télécabines étaient à l'arrêt depuis hier après-midi à cause d'un problème technique. En France, encore des arrestations importantes. Hier soir, trois femmes qui projetaient de commettre un attentat de manière imminente, selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Nouvelle réunion aujourd'hui pour examiner le sort du personnel de Caterpillar. Paul Magnette rencontre les patrons Carolo qui accepte d'embaucher les travailleurs qui seraient licenciés. Et puis le mémorial Van Damme ce soir à Bruxelles avec 40 médaillés des Jeux Olympiques. Du beau encore pour aujourd'hui pour la météo, jusqu'à 25 degrés, moins de vent qu'hier, donc c'est du tout bon. Beau week-end encore en perspective avec un risque de pluie samedi soir, retour du soleil dimanche entre 20 et 25 degrés. Il est 8h30. L'info de notre région. Bonjour Bruno Schmitz. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et tous. 40 médaillés olympiques de Rio sur les pistes, presque 50 000 personnes dans les tribunes. Le Mémorial Van Damme, c'est donc ce soir. Ce sera la 40e édition de ce qui est l'un des plus grands meetings d'athlétisme du monde. Le coup d'envoi est fixé vers 19h au stade Roi Baudouin. Et à côté des courses, l'un des moments forts sera sans conteste la remise des médailles d'or olympiques à nos athlètes. Mais pas des médailles de Rio, mais bien des médailles des Jeux de Pékin en 2008, David Bertrand. Et il sera 19h48 précise lorsque cette cérémonie protocolaire débutera dans le stade Roi Baudouin. Les quatre filles du relais auront alors l'immense honneur de recevoir la médaille d'or, leur médaille d'or du relais 4x100 des Jeux de Pékin il y a 8 ans. Ces médailles ont récemment été rendues par la Russie, disqualifiées après une longue procédure suite au contrôle positif de l'une de ses relayeuses. On en a longuement parlé ces dernières semaines. Des médailles qui par ailleurs ont été récupérées cette semaine à Lausanne, au siège du CIO, par Pierre-Olivier Beckers, le président du comité olympique belge, et Jacques Rogge, l'ancien président du comité international olympique. La Brabançonne résonnera ensuite dans le stade et on imagine alors l'émotion que ressentiront à ce moment-là Elodie Wedrago, Anna Marienne, Olivia Borlée et Kim Gevaert, qui seront donc enfin officiellement championnes olympiques et qui pourront aussi enfin réaliser ce qui leur arrive. Kim Gevaert. C'est très spécial, mais pour le moment, je ne me sens pas encore vraiment championne olympique. Enfin, peut-être après vendredi, peut-être oui. Et Olivia Borlée ne sera pas la seule de sa famille à l'honneur puisque ses trois frères s'affronteront aussi sur le 400 mètres. Notre médaille d'or à l'heptathlon, Nafissatou Thiam, participera au concours du saut en hauteur et les autres athlètes de la délégation belge de retour des Jeux seront aussi applaudis lors d'un tour d'honneur dans le stade. De la piste à la route, Bruxelles sera privée de voitures d'ici une dizaine de jours. Le dimanche sans voiture, c'est le 18 septembre. Il vous reste donc notamment ce week-end pour sortir et entretenir votre vélo, même si visiblement de plus en plus de Bruxelles l'ont déjà fait. Le nombre de cyclistes aurait augmenté de 50% en un an dans la capitale. Un vrai boom, ce sont les derniers chiffres de comptage qu'ils disent. Mais du coup, les accidents à vélo augmentent aussi, plus 30% sur un an. Écoutez bien Bianca de Batz, la secrétaire d'État bruxelloise à la sécurité routière. Le dernier baromètre de la sécurité routière démontre que il y a quand même une augmentation d'accidents où les cyclistes sont impliqués, de 30% pour les 6 premiers mois par rapport à l'année dernière. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est aussi que le nombre de cyclistes a augmenté aussi de 50%. Donc on peut dire de façon générale que la sécurité routière, surtout pour les cyclistes, augmente, mais il y a quand même encore du travail à faire. Une interview de Véronique Fievet à Saint-Josse. Là, c'est une question polémique. Le bourgmestre d'origine turque, Emir Kir, a-t-il voulu censurer une expo de peinture d'une artiste kurde? Oui, selon l'artiste. Non, répond la commune. Cette expo, prévue dans le cadre d'une semaine culturelle turque fin septembre, une semaine culturelle kurde fin septembre, a en tout cas été annulée. Officiellement, pour raison de sécurité, Philippe Carlo nous raconte tout cela. Entre Turcs et Kurdes, l'entente n'est pas toujours cordiale, en tout cas au plan politique. Alors quand le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir, d'origine turque, interdit la tenue d'une exposition de peinture d'une artiste kurde, la polémique est garantie. Margot Kassirs est collaboratrice à l'Institut kurde de Bruxelles. C'est difficile à croire qu'il y a juste des motivations de sécurité qui ont motivé cette décision. On a demandé des clarifications, on a même demandé d'avoir un rendez-vous personnel avec le bourgmestre ou avec les échevins, mais on n'a pas répondu, donc ça nous laisse à imaginer ce qui est passé ici. Pas d'explication du bourgmestre Emir Kir en déplacement, et à ce jour, toujours aucune notification officielle d'une décision quelconque. L'échevine de la cohésion sociale, Béa Möllemans, se défend de toute discrimination envers la culture kurde. Ce n'est pas possible non plus qu'une seule culture prenne beaucoup de moyens, beaucoup plus que les autres. Nous avons 154 nationalités ici à Saint-Josse. Voilà, on partage, on fait un peu pour tout le monde. Malheureusement, la commune n'a pas les moyens de rencontrer toutes les demandes. Donc, ici, nous avons rencontré 2 sur les 3 demandes. Du côté de la police, on est formel. Aucune réserve n'a été formulée à propos de l'exposition de peinture à l'Académie des Arts de Saint-Josse. Et c'est un autre bourgmestre bruxellois qui sera l'invité de BX1 aujourd'hui, Olivier Minguin, mailleur de Woluwe-Saint-Lambert et président du parti Défi. Le Ezel va décidément beaucoup vibrer ce week-end après l'athlétisme ce soir. Place à la musique électro samedi soir. La City Parade revient à Bruxelles pour sa 16e édition et le parrain sera justement un DJ de chez nous, Henri PFR. Du haut de ses 20 ans, il a déjà travaillé avec les plus grands et un peu partout dans le monde. Mais venir mixer dans sa ville, c'est particulier. Pour moi, la City Parade, c'est un événement qui se veut gratuit et ça déjà j'adore, et en plus c'est un événement qui veut surtout en fait promouvoir la ville, qui met en avant la ville avant de se mettre lui-même en avant, enfin je veux dire avant de mettre l'événement en avant, elle met en avant l'endroit où ils le font, c'est-à-dire Bruxelles, et ça rassemble 100 000 personnes, c'est gratuit, c'est des chars qui traversent toute la ville. Maintenant l'électro est devenu tellement imposant dans la musique que ça peut s'adresser à tout le monde. Une interview d'Anne-Elisabeth Achiri. Enfin, c'est la reprise aussi en hockey ce week-end. La division d'honneur reprend ses droits. Les favoris sont toujours les Dragons anversois. Derrière, 2 clubs bruxellois, du Léo et du Racing, en outsider. Au Racing, certains joueurs reviennent justement avec un statut particulier, auréolé de la médaille d'argent des Jeux Olympiques. C'est le cas du buteur Cédric Charlier. On est très motivés, c'est un nouveau challenge. Je pense depuis qu'on est rentré des JO, on a eu le temps d'un peu profiter, de redescendre sur terre, de voir notre famille, de voir nos proches, d'un peu partir à l'étranger. Donc ça nous a vraiment donné un peu de temps pour penser à autre chose. Et là maintenant, ça fait déjà une semaine qu'on est de retour avec nos équipes, en tout cas pour nous au Racing. Et on est très impatients que ça commence. Interview de Christophe Durand, belle journée. Et à partir de 9h, c'est vous qui le dites bien sûr, trois débats sur la table. Personne ne comprend la stratégie de Salah Abdeslam. Pourquoi hier, il n'a toujours pas parlé au juge français? Pourquoi il se tait? Vous le direz. Ensuite, le VDAB, le forum flamand, qui n'envoie plus d'offres d'emploi aux plus de 55 ans. Est-ce qu'il a raison? De toute façon, on les engage quand même pas. Et puis la police, qui conseille aux seniors d'avoir un chien pour éviter les cambriolages. Est-ce que ce conseil est utile? Est-ce qu'un chien, ça empêche les vols? Marion Jomotte, le standard est ouvert. Le standard est ouvert pour la dernière fois de la semaine, alors contactez-nous ou au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Le débat a déjà commencé sur notre page Facebook. Les trois sujets y sont exposés. Et sur la route, à 8h37, rien de spécial à signaler. Hein. Serge, notre motard Europe Assistance, vous confirmez? Oui, rien de spécial, hein. Il y a des fils, il faut être patient. Si on doit aller par exemple vers Reyers à la fin de l'année 40, on a une file quand même assez longue pour aller vers le centre, un peu moins longue pour aller vers Montgomery, boulevard de la Volue, vous allez perdre entre 5 et 10 minutes si vous traversez la chaussée de Louvain et la Tramelane, donc à cause de ce chantier. Pareil devant l'ULB, où il y a ce chantier avenue Franklin-Roosevelt, et sur le ring et les autoroutes, ben c'est comme tous les autres jours de la semaine. Génial, merci beaucoup Serge. Prudence évidemment sur la route. On vous retrouvera dans l'aller-retour bruxellois à partir de 15h avec Marc Vernon. D'ici là, si vous en avez l'occasion, profitez un petit peu du soleil quand même, puisque il va faire beau aujourd'hui, sec, le vent sera plus discret par rapport à hier et au niveau des températures jusqu'à 24 degrés. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous avez moins de 30 ans et vous voulez acheter une maison, un appart? Très bien. Dans quelle commune chercher? Où décrocher des aides? Faut-il profiter des taux bas pour acheter grand, dès le coup d'essai, ou viser d'abord petit? Le guide pour bien acheter à Bruxelles et en Wallonie, dans le spécial IMO du Vifl Express, en vente cette semaine. Le Vifl Express, pour ne rien vous cacher. Bonjour, je viens pour la Golf. Oui, bien sûr, il y a déjà une Golf All-Star à partir de 14 990 euros. Oui, je sais, je la prends. Vous savez qu'elle dispose de jantes en alliage? 16 pouces, oui, de vitres teintées, d'une climatisation, oui, tout à fait, oui. Une série superbe. Et super équipée, oui, je sais, je la prends. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin italien Supremo Primitivo 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Viva, la Viva. 8h, 9h, le 8-9. Bienvenue dans le 8-9 de ce vendredi avec Jean-Luc Fonck. Jean-Luc, chanson comme tous les vendredis. Vous avez dû placer Alpaga, Toxoplasme, Élastique, Séraphin. On va pointer tout à l'heure dans votre chanson qui s'appelle... C'est une chanson qui s'appelle Jean-Robert et qui parle des nouveaux animaux domestiques qui s'adressent aux enfants en espérant qu'ils n'écoutent pas. C'est l'école, normalement, ils ne sont pas présents. C'est une chanson, tu sais, souvent on demande aux enfants à l'école, on dit, tiens, tu n'as pas une chanson sur les animaux domestiques? Il y a celle-là. Mais... Ça pourrait la reprendre, quoi. Évasion tout à l'heure, patrimoine. Oui, en journée du patrimoine en Wallonie, on ira notamment découvrir une église où ils ont tué des fausses sorcières il y a longtemps. Jérôme Noirzy, ça vous fait pas peur, ça, les sorcières? Non, mais nous avons un invité. Si c'était Éric-Emmanuel Schmitt, il serait déjà parti. Pascal Michel est là aussi, notre invité, justement, Jarry. C'est un des humoristes du moment. Il nous vient avec son spectacle atypique dans plusieurs endroits. On a Liège, on a Bruxelles, pas mal de dates. Je vous dis toutes les dates tout à l'heure. Jarry, donc, humoriste français atypique par son physique. On en parle dans quelques secondes. bande. Vous mettez en scène. Personnellement, c'est dommage, c'est votre dernière émission. Jarry qui est notre invité ce matin. Salut Jarry. Bonjour, je suis ravie. Humoriste, comédien, metteur en scène aussi, notamment pour Jeff Panaclock. Oui. Atypique, c'est le nom de votre spectacle. Vous parlez beaucoup boulot, recherche d'emploi, différents métiers. C'était quoi votre premier job à vous? Moi, mon premier job, j'ai gardé des enfants. Oui. Et quand on s'est rendu compte que leur vie était en danger. À ce point-là, vous avez gardé des enfants, vous aussi, Jean-Luc? J'ai mangé des enfants. Et ils étaient moins en danger qu'avec Jarry. Votre premier job à vous, Sarah? J'ai rangé des produits dans les supermarchés. Voilà. Caissière? Non, c'est un job d'étudiant, je rangeais des produits cosmétiques. Jarry, dans votre spectacle, vous avez tout testé, hein. Le caissier au Lidl, justement, on y est, GIGN aussi, vous avez vraiment testé tous ces métiers-là? Mais oui, parce que je suis allé à Pôle emploi, donc le forum ici en Belgique, et mon conseiller me dit, vous cherchez dans quoi? Je dis, ouais, plutôt artistique, j'aime bien, je suis un peu sensible. Et il m'a dit, écoutez, j'ai une formation de boucher, tu le sens la sensibilité? Oui, je sens que t'es très sensible. Et, voilà. Et je me suis retrouvé vraiment bouché, et quand je suis rentré, parce qu'en France, si vous refusez, vous êtes radié à un moment donné, et là il m'a dit, faut pas chipoter, il faut prendre aujourd'hui ce qu'il y a. Et du coup, il m'a dit, en moyenne vous faites 7 métiers. Donc j'ai écrit 7 métiers sur un papier, j'ai appelé les gens en leur disant, voilà, je suis comédien, est-ce que je peux venir vivre avec vous pendant 3 jours? Et tout le monde m'a répondu oui. Et j'ai été en immersion pendant 3 jours. Et ce qui était génial, c'est que les endroits où je pensais être en difficulté, comme le GIGN, ça s'est plutôt très bien passé. Et caissier chez Lidl, ça a été très compliqué. Parce qu'ils foutent rien, en fait, au GIGN. Difficulté aussi pour Majorette. Vous avez testé Majorette aussi. Voilà, sans le dire aussi. Oui, parce que mes frères faisaient du foot et je faisais du foot et j'ai pleuré. J'avais peur du ballon, voilà. Cet être un peu violent qui peut. Et ma mère m'a dit, ah, bah, on n'a qu'une voiture, on peut pas t'emmener faire du sport ailleurs. Et il y avait des majorettes à l'époque, avant les matchs de foot. Et elle s'est dit, bah tiens, si je faisais un truc qui va lui gâcher son adolescence, eh ben tiens, il fera majorette. Et on m'a appelé la majorette jusqu'au lycée. Parce que j'étais le seul garçon. J'avais 11 ans, elles avaient tous 15-16 ans. Donc déjà, elle a une forte poitrine. Donc moi, évidemment, impressionné par cette masse qui déterminera ma sexualité bien plus tard. Voilà, merci maman, vraiment une super adolescence. Justement, gamin, vous rêviez humoriste, comique? Ah, pas du tout. Non, moi, je voulais être médecin sans frontières. Après, on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'études. Après, j'ai voulu être chanteur. Malheureusement, moi, j'avais pas la voix et je voulais être comédien, je voulais travailler à la Comédie Française, faire pleurer les gens, et j'ai eu la chance de faire deux pièces un peu dramatiques, sauf que je faisais rire les gens, donc j'ai été viré des projets. Mais tout ça, c'est la vérité. On m'a dit, tu devrais faire de l'humour. J'ai rencontré Didier Bourdon sur un film qui m'a dit, je confirme, tu devrais faire de l'humour, et j'ai adoré. Et vous êtes là dans le 8-9 ce matin sur la Une et sur Viva pour nous parler de ce spectacle atypique. C'est très atypique justement parce que vous jouez beaucoup de votre corps. Vous faites du sport, Jarry, oui. Vous entretenez. Ah non. Non. Vous savez non, quoi? Parce que j'ai pris un coach et il m'a dit lui-même, vraiment, c'est ses mots, je ne comprends pas. Ça ne marche pas. J'avais beau pomper, soulever les trucs, non, c'est bon. En plus, j'ai horreur de transpirer. Et pourtant, vous assumez parce que je vous ai sélectionné un extrait. Alors, je vous explique. Alors, Jarry monte sur scène et déjà, il enlève son t-shirt. Il voit son bide, il serre son bide, et voilà ce qui se passe. Écoutez. C'est excitant, hein? Oh, ça va, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, c'est une mère porteuse. pas du tout, regardez. On dirait un petit cul. Allez, remets la musique, s'il te plaît. Et là, donc, c'est le bide de Jarry qui parle. Mais vous savez ce qui se passe? Aucun complexe, Jarry. Vous savez ce qui se passe depuis ce sketch? Je reçois tous les jours sur ma page fan Facebook des petits culs de plein de gens. Et je jure, et j'en ai fait la promesse, j'en ferai une exposition. Par contre, cadrez bien la photo, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, au-dessus de la ceinture. Merci. Ah, en fait, oui. Je peux le faire, aucun complexe, un peu comme Jérôme. Non, ben non, mais vous savez, quand vous êtes né dilaté, vous assumez. Hein. Êtes-vous né dilaté, Jérôme de Warzé? Je ne suis pas né dilaté. Je suis né engoncé. Engoncé. Vous jouez beaucoup de votre corps, cela dit, honnêtement, vous pouvez être vanné après le spectacle. Oui, oui. Mais parce que je trouve qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots, des choses qu'on peut dire avec le corps. J'ai été pendant très longtemps quelqu'un d'introverti qui ne parlait pas beaucoup, et je m'exprime au travers de la danse dans ma chambre. Et du coup, pour moi, c'était logique dans mon spectacle, qui est aussi une partie visuelle importante. Un mot rapidos avant de rappeler les dates de votre spectacle atypique un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. Un mot sur Cyril Eldin, le petit journal qui a repris tous les jours. Il perd de 100 000 téléspectateurs, c'est juste énorme. Vous êtes passé par la télé. On vous a vu notamment dans Vivement Dimanche, dans Comment ça va bien, sur TF1 aussi avec Arthur. Tout le monde me pose la question sur le petit journal. Vous auriez pris sa place ou pas? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment le temps. Et parce... Comment mettre mal à l'aise? Ah! dis donc. Il mange sa souris. Non, non, mais ça fonctionne pas comme ça. Allez. Non, non, mais je lui souhaite de s'en sortir. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi, je fais partie des gens. Je pense que chacun a droit à son petit moment de comme ça, de bonheur, de gâteau. Hein, voilà, je vais pas m'engager. Moment de bonheur, vous allez en avoir. Je vous aide, j'enchaîne. Merci. Spectacle de Jarry, atypique, avec notamment le 7 octobre à 20h au Centre culturel Ducle. On a le samedi, le lendemain, au Trocadéro à Liège. Le 29 janvier, donc en 2017, au Centre culturel de Moucron, Festival du rire de Bastogne. Le 29 mars, le 31 à Binche. Et puis le 1er avril, à l'espace. Et en 2024, vous saurez. Voilà. J'ai bien fait le travail, là. J'aime beaucoup cette manière de faire poète-poète. Bienvenue en Belgique. Bienvenue dans le 8-9. C'est Jean-Luc Font qui nous prépare sa chanson. De parler toujours et de faire poète. C'est juste après la pause. Salut, Jarry. Merci. Merci mille fois à vous. Des gros bisous. Passé. Allez, à tout de suite. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go! Wouh! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Une place près d'un mur. Attention à ma voiture. Check à gauche, check à droite. Ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin italien Supremo Primitivo 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Vivacité Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Metz. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Metz, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Le 8-9. 8h48, c'est le moment, c'est l'instant de la chanson de Jean-Luc Fonck. Vous êtes frère de verre avec Jérôme de Warzé. Vous portez tous les deux du kaki. C'est l'aventure, c'est l'espoir. Frère de verre, ça fait un peu le tonton piquant. Mais ça porte malheur, surtout. En face des soldats, on a justement Pascal Michel et Sarah Viss. Alors c'est parti pour la chanson. Jean-Luc, vous avez dû placer Alpaga pour François Descossines. Toxoplasme pour Grégory, ça a été ce mot-là, pas simple quand même. Écoute, toxoplasme, on dit ça souvent dans les chansons. Élastique pour Guillaume de Pépinster et Séraphin pour Damien Deligny. Vous êtes prêt, Jean-Luc ? Oui, et une grande première. Le premier mot de la chanson, c'est un des mots, et le dernier mot aussi. C'est pas vrai. Ça promet. Allez, en avant la musique. J'y vais, donc c'est pour les enfants. Hein, donc. Déjà la victoire. Séraphin, c'est mon copain. Il a un petit chien, Wawa, qui saute et qui aboie. Et nous, on rigole bien. Wawa, on lui donne parfois un petit peu de whisky. Oui, oui, quand il est dans le coma, on lui enfonce des aiguilles. Partout, ma copine Nathalie, elle a un petit chat. Miaou, il est très gentil. C'est un angora à poil ras. Quand on met du LSD dans ses croquettes, miaou, il commence à s'éplucher. Il se prend pour une crevette. Mais moi, j'ai un petit animal super. Il est vraiment sympa, il est vraiment extra. Mais moi, j'ai un super copain. Il s'appelle Jean-Robert, c'est mon ver solitaire. Ma tata Noémie, elle a un canari, coin coin. Il est tout jeune et tout jaune et il est tout petit, coin coin. Quand on met de la bière dans sa mangeoire, glou glou. Oh, il danse tout nu sur son perchoir et puis il cherche la bagua. C'est du aigu. Mais moi, j'ai un petit animal super. Il est vraiment sympa, il est vraiment extra. Mais moi, j'ai un super copain. Il s'appelle Jean-Robert, c'est mon Terre solitaire. En Belgique, on a un lombric dans le ventre, oui. On va prendre un placé quand même. C'est spécial, hein. Vous avez des côteurs maintenant. Ma sœur Alexandra a une tête comme un alpaga. Mais oui, on a la même mère, mais on n'a pas le même papa. Elle élève des toxoplasmes dans un pot de Nutella et elle met ça sur sa tartine. Paraît que c'est bon pour ce qu'elle a. Mais moi, j'ai un petit animal super. Il est vraiment sympa, il est vraiment extra. Mais moi, j'ai un super copain. Il s'appelle Jean-Robert, c'est mon ver solitaire. Mais moi, j'ai un petit animal super. Il est vraiment sympa, il est vraiment extra. Mais moi, j'ai un super copain. Il est super comique, c'est mon copain élastique. Oui. Sous le fil, la chanson. J'ai cru que je n'y arriverais pas. Oui, la musique. Bravo, oui. Jean-Luc Franck. Oh là là. Donc, les enfants, il faut chanter ça à l'école pour être examen de chant. Garantie serait facture. Vous ne passerez pas. En plus, c'est l'âge des vers solitaires hein, pour les enfants. Ça dépend quel âge ils ont. Hein. Et de s'ennuyer, les vers solitaires. Votre animal préféré pour la chanson, oui. Jérôme? Le ténia, j'aime bien. Ténia, oui. À revoir sur la page Facebook, le 8-9. Ah oui, oui. Ou sur vivacité.be. Le patrimoine wallon, qui parle wallon ici autour de la table? Sarah, Pascal, Nenny. Oh, Jean-Luc, oui, un petit peu. Non. Il est russolaire, hein. Arlon ne parle pas wallon, hein. On parle luxembourgeois. Oui. Ah oui. Gezu matan, bêche blume, plek, des trucs comme ça. Jérôme. Yarzikud. Allez, à tout de suite. Sarah nous emmène en escapade, il est 8h52. Dans mon magasin de Reusbrook, je vous propose tout pour embellir votre intérieur et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. Moins cher, c'est illégal. Voir conditions en magasin. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Vous ne rêvez pas. Vassieux Godot offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à lattes. Vous préférez encore dormir dessus? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Vassieux Godot, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Ancel, citoyen, ce samedi, place Saint-Lambert pour un circuit de 25 km à la découverte de la Cité Ardente. À l'arrivée, point d'orgue de l'action Debout Citoyen, le concert de l'Opéra Royal de Liège, accompagné par l'orchestre et ses chœurs, avec Suarez et Alison The Roof. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demandé à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Jusqu'à 9h. Le 8-9. Oh non, moi je dis non. Après la chanson de Jean-Luc, il y a Sarah qui nous rappelle cette histoire de verre quand elle était jeune. Jean, que vous avez eu peur des tagliatelles pendant des années. C'est ça, la forme de tagliatelle, les verres solitaires. J'étais petite, je précise. L'autre verre, c'est Jérôme de Warzé. Il est habillé de verre. Ça, c'est la transition super. Allez, Ténia, merci Ténia. On corrige la quig, la question d'intérêt général. Les centrales nucléaires belges auront bientôt leur propre unité antiterroriste. Comment la nommeriez-vous? Sur la page Facebook du 8-9, Benoît Demain propose Alarme Akbar. Ouais. Jean-Michel Biltres, la brigade Adamo, la brigade qui a la main sur Tillange. Oui. Oh, c'est pas mal. Bien sur Tillange. Le Dalai Lama est à Bruxelles. Si Charles Michel était le Dalai Lama, quel serait son surnom de plénitude bouddhiste? Elle est là, je check. Elle est postée sur la page Facebook le 8-9 RTBF. À vous de choisir. Sélection. Et comment vous sélectionnez, Jérôme? Les meilleurs, mais pas facile de choisir. C'est-à-dire que je photographie, si vous voulez, complètement. Et puis alors, je choisis. Mais c'est vrai que le nombre de likes On corrige ça ensemble ce lundi pour la Quig avec Benjamin qui revient, bien évidemment. Sarah Viss est là aussi pour nous emmener en escapade, l'évasion avec vous, Sarah. On parle patrimoine. Oui, c'est les journées du patrimoine ce week-end. Alors, le thème cette année, c'est le patrimoine philosophique, religieux. C'est le programme le plus riche depuis 14 ans. Il y a quand même plus de 640 sites à visiter. Alors, oui, voilà. Vous allez dire super, chouette génial. Avec les enfants. On va les emballer avec ça. Mais justement, il y a des trucs sympas. Alors, déjà, je voulais dire vraiment la diversité, aussi bien des églises, des monastères, des chapelles castrales. Hein, cuisse vocabulaire. Ouais, ça s'en fait mal, vous savez. Ils s'appellent des châteaux, donc c'est l'occasion aussi de voir de beaux châteaux, des temples protestants, des mosquées, des temples maçonniques aussi, hein, si vous voulez voir les coulisses des francs-maçons, notamment la loge maçonnique de Namur avec son style néo-égyptien. Alors, je vous ai fait une petite sélection, parce que comme il y a vraiment beaucoup de choses, rien que dans le Hainaut, notamment l'église Saint-Sulpice de Moulbet à Hattes, qui va rejouer une balade théâtrale qui va raconter le crime qui a été commis dans à Moulbet. En 1653 à Moulbet. C'est un Sulpice de Moulbet. C'est un autre chose. Aïe. et en fait, c'est parce qu'il y a des sorcières qui ont été, c'était en pleine période de chasse aux sorcières. Et qui a été tuée. Qui ont été mises sur le bûcher à ce moment-là. Et donc, c'est rejoué. Alors, j'espère qu'on ne va pas vraiment brûler des pauvres dames, mais voilà. J'espère. Mais c'est sûr que non, Sarah. Que non. Enfin, elle est là pour nous emmener en évasion. Et... Bon, j'espère qu'on ne va pas tuer des vieilles dames. Les enfants ont bien aimé ça. Mais pour les enfants, moi, je trouve ça super quand même. Brûler des vieilles dames, je sais pas. On peut brûler mamie, ben oui, vas-y. Il y a aussi la chapelle de verre à Braine-le-Comte-Ronquière. Alors, c'est une chapelle art déco, ça c'est vraiment intéressant, qui est presque que décoré en verre, parce qu'en fait c'était l'église, la chapelle où les ouvriers d'une verrerie venaient prier. En même temps, ça servait de showroom, et donc c'est vraiment intéressant au niveau du patrimoine. Non, c'est là-dedans, c'est la chapelle qui sert de showroom. Oui, c'est ça. Au Moyen-Âge, on parlait déjà comme ça, on va au showroom. Oui. Tu aurais fini sur un bûcher, toi. Mais non, mais justement, c'est rigolo de voir une église qui sert de showroom. Il y a plein d'édifices qui ont été reconvertis. Voilà, par exemple, vous allez voir un habitat groupé dans l'ancien Carmel, de couvent des Carmélites de Soigny. C'est les habitants actuels qui accueillent, voir comment ça a été reconverti. Il y a une balade guidée dans Tournai, dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques, parce que c'était une étape importante sur la route de Saint-Jacques à l'époque. Il y a aussi très sympa à faire durant le week-end, c'est le rallye Abbey's Road. Évidemment, il y a le petit jeu de mots. Il y a les Beatles ? Non, il n'y a pas les Beatles, mais donc c'est la route des abbayes. Et donc, en fait, pour faire ce rallye, il faut au moins visiter deux des abbayes participantes. Il y en a deux par province. On remplit des questions et tout ça, et on peut gagner des prix, donc c'est assez rigolo à faire. Qui veut aller à l'église ce week-end? Oui, ça. Il va faire beau. Ça dépend ce qu'il y a dans le showroom. Mais il faut au moins visiter deux pour, c'est pour ça. Avoir un cadeau. Pour avoir un cadeau. Alors, j'essaie de me renseigner sur les cadeaux, mais c'est l'administration qui organise. J'ai pas eu du. J'ai pas réussi à trouver quelqu'un. C'est encore moins un coquille caddie. Donc. Un site internet, Sarah, pour toutes les infos. Oui, alors c'est journeedupatrimoine.be, puis évidemment toutes les infos sur vivacité.be. Journeedupatrimoine.be, vivacité.be. Merci pour ce bon plan. Ou pas, c'est à vous de choisir à la maison. Mais c'est parce que les églises, ça fait toujours très église, vous voyez. C'est vous qui le dites avec Benjamin, juste après la pause. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Va, m'ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Attendez, Denis, parce qu'il faut que je m'installe sur la même chaise que Sarah, qui est vachement plus basse. D'ailleurs, c'est même pas Denis, c'est Caroline Gillet. Ça veut dire comme je débarque. Alors, Caro, c'est bien ou c'est pas bien? Ah, ben c'est bien. Voilà, c'est avec du soleil, beaucoup de soleil. Ça, c'est acquis pour toute la journée. Entre 20 et 25 degrés aujourd'hui. Pas un nuage à l'horizon. Pour cette nuit, quelques nuages qui vont arriver. Ce seront des cirrus sur l'ouest du pays, 11 à 15 degrés. Et puis demain, encore une belle journée. Davantage de nuages sur l'ouest du pays, mais des températures qui repartent à la hausse, 23 à 28 degrés. Viva, avant, c'est vous qui le dites, il est 9h.